voir la suite de notre avenir. Sur tes lèvres, je peux lire, sentir rien à me dire. Dans les bras du meilleur, il peut m'arriver le pire. Tous les sens en éveil, tiens, je vais bâtir notre empire. À nos premières DV, je voulais trop faire la fière. Maintenant que je suis love, je l'assume devant la terre entière. Sur le même chemin, ensemble, on fait la paire. Le nerf de notre guerre, c'est qu'on va vivre en terre. Au début, j'étais discrète, j'ai la senti direct. J'avais peur d'être distante ou d'être un peu trop gourmand. Des fois, je peux faire la pipette, tu m'écoutes pas, tu me dis que c'est toi qui as les commandes, tu sais pourquoi j'ai commandé. Au début, j'étais discrète, j'ai la senti direct. J'avais peur d'être distante ou d'être un peu trop gourmand. Des fois, je peux faire la tu m'écoutes pas, tu me dis que c'est toi qui as les commandes. Tu sais pourquoi j'ai commandé. Si je ferme les yeux, je peux te voir dans le noir. Dis pas un mot, je peux t'entendre sans que tu parles. T'es loin de moi, mais je me sens dans tes bras. Je sens ton odeur, elle est toujours sur moi. Ton regard dans le mien pour rassembler nos visions. Et cette bague sur ma main vaut plus que tout l'heure du monde. Toi et moi, c'est la base, on n'a aucun compte à rendre. Et même si je perds mes sens, je pourrais toujours te comprendre. T'as touché mon cœur, t'as couvert mes cicatrices. Tu sais comment répondre à tous mes petits caprices. C'est toi qui as le premier rôle, regarde mon jeu d'actrice. T'es né au mois Trinité, on crée notre matrice. Au début j'étais discrète, j'ai la santé directe. J'avais peur d'être distante ou d'être un peu trop connant. Des fois je peux faire la pipette, tu m'écoutes pas, tu me dis que c'est toi qui as les commandes, tu sais pourquoi j'ai commandé. Au début j'étais discrète, j'ai la santé directe. J'avais peur d'être distante ou d'être un peu trop connant. Des fois je peux faire la pipette, tu m'écoutes pas, tu me dis que c'est toi qui as les commandes, tu sais pourquoi j'ai commandé. Si je ferme les yeux, je peux te voir dans le noir. Dis pas un mot, je peux t'entendre sans que tu parles. T'es loin de moi, mais je me sens dans tes bras. Je sens ton